إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله لقد حبان الله جل وعلا بنعمة عظيمة ومنة جسيمة ألا وهي بهذا الدين فألف به بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية فأصبح أهل الدين بالدين إخوة في الله متحابين في الله متعاونين على طاعة الله يجمعهم دين الله سبحانه وتعالى هذه عباد الله نعمة عظمى ومنة كبرى يجب على كل مسلم أن يكون على ذكر لها وأن لا يغفل عنها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا عباد الله الأخوة الدينية هي رابطة عظيمة وصلة وثيقة ليس في الروابط والصلات أوثق منها ولا أمكن إنها عباد الله صلة تجمع بين أهلها بأعظم جمع وأوثق رابط سبحانه وتعالى الله خير الله إستشيك الله سبحانه وتعالى vous surveille quand vous êtes en secret et lorsque vous êtes en public et lorsque vous êtes caché et lorsque vous êtes apparent il vous voit et il vous surveille et il sait et donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme celui qui reste conscient et qui sait que son Seigneur le regarde et l'entend serviteur d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une des plus grandes grâces et une des plus grandes faveurs en nous donnant cette religion qui est la religion de l'islam et par cette religion Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé les cœurs qui fuyaient les uns des autres et les âmes qui se détestaient les unes les autres sont devenues des frères et donc les gens de cette religion la religion de l'islam sont devenus des frères en Allah subhanahu wa ta'ala qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'entraident les uns les autres dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont réunis par la religion d'Allah serviteurs d'Allah et cette grâce c'est une des plus grandes grâces une des faveurs les plus immenses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et c'est donc obligatoire à chaque musulman de s'en souvenir et de s'en rappeler et de ne pas rester insouciant ou indifférent face à ces grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran ce qui signifie souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez auparavant des ennemis et que vous êtes devenus des frères par sa grâce et qu'il a réuni entre vos cœurs par l'islam par la religion du tawhid, par l'aqida de l'islam. Donc serviteur d'Allah, sachez que la fraternité de l'islam, c'est un des plus grands liens qui existent, un des liens les plus solides et les plus fermes, incomparables. C'est-à-dire que la fermeté de ces liens, des liens de cette religion, entre les frères de cette religion, ce sont des liens qui sont plus solides que tout autre lien qui peuvent exister entre les hommes dans cette dunya. Certes, c'est les liens qui sont établis et basés sur la foi en Allah et sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ukhuwatu fillah, ibadallah, wal-ikhwa fillah, ibadallah, ghayatuhum wahida, wa humumuhum mushtaraka, wa amaluhum wahida, yajma'uhum ibadatu rabbin wahid. بالاستسلام له والإخلاص في العبودية له والانقياد لأمره واتباع شرعه والاقتداء برسوله صلوات الله وسلامه عليه. Serviteur d'Allah, la fraternité en Allah, et bien lorsqu'on est des frères, réellement des frères en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nos objectifs et nos buts sont uniques. C'est-à-dire qu'on a les mêmes buts, les mêmes objectifs. Et nos soucis sont des soucis communs. Et nos douleurs sont des douleurs communes. Et nos objectifs sont des objectifs uniques. Nous sommes tous réunis par cette fraternité dans l'adoration d'un Seigneur unique. En se soumettant à lui et en faisant preuve de sincérité et de pureté dans l'adoration lorsqu'on l'adore, et en se soumettant à ses ordres et en suivant sa législation et en prenant comme modèle et comme exemple son messager le prophète Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Al-ukhuwatu fillah, ibadallah, sha'nuhum kal jasad al-wahid, آمالهم واحدة وآلامهم واحدة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سيرتب الله. Sachez que la fraternité en Allah, le fait d'être des frères par rapport à notre foi en Allah et en la croyance en l'islam et au tawhid, ça fait de nous un corps unique, comme si tous les musulmans ne formaient qu'un seul corps. Et donc nous avons les mêmes douleurs, qui sont les mêmes douleurs et les mêmes objectifs et les mêmes buts et les mêmes espoirs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie le croyant par rapport à un autre croyant, c'est comparable à une construction qui se renforcit, chaque pièce renforcit l'autre, comme les briques, hein, dans une construction, chaque brique retient l'autre brique, et donc ça donne à cette construction de la force. Et ça, c'est l'exemple par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la umma. Et il a dit également que l'exemple des croyants dans leur amour les uns pour les autres, dans leur affection les uns pour les autres, dans la miséricorde qu'ils ont les uns pour les autres, sont comparables à un seul corps. Lorsque un des membres de ce corps souffre d'une douleur, eh bien c'est le reste du, tout le reste du corps qui souffre, hein, qui sent la douleur et qui est empêché de dormir la nuit et qui ressent la fièvre de cette douleur. Et donc ça, c'est l'exemple des croyants. C'est l'exemple des croyants. Et on voit que ce n'est pas seulement le fait de se dire musulman avec la bouche qui va procurer aux croyants ce sentiment et qui va faire en sorte que cette fraternité islamique va se réaliser. Mais c'est en étant réellement des mu'minines, en étant réellement des vrais croyants. Pas de baser notre pratique religieuse uniquement sur des aspects culturels et traditionnels, parce que chacun d'entre nous, nous venons de différents pays. Chacun d'entre nous, nous sommes de cultures différentes. Nous sommes de couleurs différentes. Nous sommes d'ethnies différentes. Nous sommes de langages d'origine différents. Mais à cause de notre foi en l'islam, à cause de notre foi en la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on est vraiment sincère dans cette foi, eh bien on devient comme des frères, même si on est séparés par toutes sortes de barrières culturelles ou autres. Et c'est la seule chose qui peut réellement unir entre les hommes, peu importe les différentes barrières qui peuvent les séparer. Et l'islam est venu pour détruire toutes ces autres barrières qui séparent les hommes et qui les divisent entre eux. Et toute tentative d'unir les hommes sur autre chose que la foi, sur autre chose que le tawhid, est vouée à l'échec. Ceux qui tentent d'unir les hommes sur une langue, parce que nous parlons la même langue, on s'unit sur cette base et on oublie tout le reste. Peu importe la croyance, peu importe la foi, seulement un ignorant peut penser de cette manière ou s'imaginer que ce genre d'union peut durer, que ce genre d'unité entre les hommes peut être solide. La seule manière d'unir l'humanité et d'unir les hommes, c'est lorsqu'ils sont unis sur une croyance et une foi unique, et une conviction qui les réunit. Al-ukhuwatu fillah, ibadallah. أخوة شأنها ومكانها أعظم من أخوة النسب. الأخوة النسب، الأخوة في النسب عباد الله الجامع فيها نسب واحد، والأخوة في الله الجامع فيها دين الله سبحانه وتعالى، والرابطة فيها عبادة الله، والغاية منها نيل رضا الله جل وعلا، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أي ثقلت موازينهم بالإيمان والعمل الصالح بطاعته، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Serviteurs d'Allah, la fraternité en Allah, sa place et son importance est plus grande que la fraternité basée sur les liens de parenté et sur les liens de sang. La fraternité basés sur les liens de sang, sont unis par une seule chose, tandis que la chose qui unit dans la fraternité en Allah, eh bien c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but de cette fraternité, c'est d'atteindre et d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le lien qui nous réunit, c'est l'adoration d'Allah. Et donc celui qui essaie de se baser sur ses liens de parenté, mais qui n'a pas pris en considération les œuvres qu'il a faites, eh bien ces liens de parenté ne pourront rien faire pour lui au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, ta langue, ton ethnie, ta culture d'origine, ton pays, la nourriture que tu manges, tout ça ne pourra rien faire pour toi au jour de la résurrection. Ta couleur, la couleur de ta peau, c'est pas ça qui va te sauver. La seule chose qui va te sauver au jour de la résurrection, c'est ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ton adoration. Et donc ne te base pas sur les liens de parenté, sur les liens de sang, au détriment de la foi et de la croyance et de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et lorsqu'on va souffler dans le clairon au jour de la résurrection, il n'y aura plus de lien de parenté entre eux. Aucun lien de parenté va rester. Et ils ne vont pas se poser de questions les uns les autres. Celui dont la balance sera lourde, alors ceux-là seront ceux qui ont le succès. C'est-à-dire que leur balance va être lourde par la foi qu'ils ont et par les bonnes actions qu'ils ont accomplies, par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là seront ceux qui auront le succès. Tandis que ceux dont la balance sera légère, c'est-à-dire que leur foi est faible ou que leurs bonnes actions sont peu, alors ceux-là, leur balance sera faible et ceux-là sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes et qui brûleront dans l'enfer éternellement. Al-ukhuwatu fillah, ibadallah, tajma'u ahlaha ala hammin mushtarak, yajma'u al-jami'. وتأملوا ذلك في الدعوة العظيمة المتكررة على لسان كل مسلم في كل ركعة من كل صلاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه غاية الجميع ومطلب الجميع أن يسيروا إلى الله تبارك وتعالى على صراط مستقيم وهدي قويم ينالون به رضا الله جل وعلا ويفوزون به بجنته وينجون من سخطه وعقابه. Serviteur d'Allah, la fraternité en Allah, elle réunit tous les croyants et elle rend leurs soucis communs. Et donc, observez l'invocation que les croyants font dans chaque rak'a, dans chaque prière qu'ils font. Chaque musulman demande à Allah subhanahu wa ta'ala, guide-nous sur le droit chemin. Hein? Et dans le dua, on ne dit pas guide-moi, on dit guide-nous au pluriel parce qu'on est tous ensemble sur ce chemin. Ce n'est pas un chemin qu'on emprunte tout seul. Mais c'est un chemin qu'on emprunte tous ensemble, les croyants ensemble. Et donc il faut s'entraider à suivre ce chemin-là. Donc on demande et on dit, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux qui ont mérité ta grâce, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ou des égarés. Et donc ça c'est le but de tous les croyants, de tous les musulmans. Et c'est l'objectif de tous les musulmans de parcourir et d'avancer sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur une guidance droite, sur un chemin droit pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour obtenir le succès de son paradis et pour être sauvé de sa colère et de son châtiment. Wa li hadha ibadallah. كان واجبا على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة حقها وأن يعرف مكانتها وأن يحفظ حرمتها وأن يتحاشى من كل أمر ينقضها أو ينقصها. Et donc, serviteur d'Allah, il est obligatoire à chaque musulman de tenir compte des droits de cette fraternité, parce que cette fraternité de la foi, elle a des droits à respecter. Et donc il faut connaître son statut et son importance, et il faut préserver l'aspect sacré qu'elle contient, et il faut également tenir compte et faire attention de tout ce qui pourrait venir détruire cette fraternité, et tout ce qui pourrait diminuer cette fraternité. Et qu'est-ce qui diminue cette fraternité? Qu'est-ce qui détruit cette fraternité? Ce qui détruit cette fraternité, c'est ce qui détruit la foi. Ce qui détruit la foi d'un croyant. Le contraire du tawhid, c'est le shirk. Et donc le shirk détruit la fraternité. Le contraire de l'iman, c'est le kufr. Et donc le kufr détruit cette fraternité. Et qu'est-ce qui diminue cette fraternité? Eh bien, tout ce qui diminue la foi vient faire diminuer cette fraternité également. Les péchés qu'on commet ont un effet sur notre fraternité, puisqu'elles ont un effet sur notre foi. De même que les innovations et les bid'ah que les gens innovent et inventent dans la religion d'Allah qui n'ont rien à voir avec l'islam. Eh bien, lorsque quelqu'un pratique des innovations ou invente des choses nouvelles dans la religion, eh bien, cela également diminue la fraternité. Et la même chose pour toute chose qui contredit la foi de l'islam ou qui contredit la pratique de l'islam, eh bien, ça vient également diminuer la fraternité entre les musulmans. عباد الله الأخوة في الله تحتاج من أهل الإيمان ومن المتآخين في دين الله إلى رعاية وعناية لئلا تنخرم ولئلا تنثرم لا بد من رعاية لها في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبمطالعة الكتاب والسنة. وفي هذا الباب العظيم نجد عباد الله آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوه بهذه الأخوة وتعلي من شأنها وتبين موجباتها ومقتضياتها وحقوقها وآدابها. ومن أجمع ما ورد في السنة في هذا الباب ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا الحديث من جوامع كلم نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب المبارك، باب الأخوة في الله سبحانه وتعالى، الأخوة الإيمانية وما تقتضيه وما تستوجبه بين أهل الإيمان من حقوق ومقتضيات وواجبات. Approchez-vous un peu, avancez pour faire un peu d'espace pour vos frères. Serviteurs d'Allah, la fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui nécessite de notre part beaucoup d'attention, beaucoup de respect pour ne pas briser, pour ne pas détruire cette fraternité et ces liens de fraternité. Il faut prendre en compte et tenir compte de ce lien de fraternité à la lumière du livre d'Allah et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit dans de nombreux versets dans le Coran et de nombreux hadiths des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui encourage et incite à cette fraternité et à garder son importance, ses obligations, ses implications et ses droits et ses manières. Et parmi les hadiths qui sont les plus complets dans la sunna au sujet des règles qui ont rapport avec la fraternité dans l'islam, il y a le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne soyez pas jaloux les uns des autres et ne faites pas des compétitions entre vous dans les ventes aux enchères et ne vous détestez pas les uns les autres et ne vous tournez pas le dos les uns aux autres et que l'un d'entre vous ne fait pas un commerce et en est par-dessus son frère. C'est-à-dire, si quelqu'un a vendu un article à quelqu'un, que quelqu'un d'autre ne vienne pas pour lui voler sa vente en offrant l'article ou la chose à un plus bas prix que celui qui l'a vendu déjà, alors que le contrat a déjà été signé. Et soyez comme des frères, serviteurs d'Allah. Soyez comme des frères. Et le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice. Il ne le trahit pas. Et il ne le méprise pas. Et il a dit ensuite que la piété, at-taqwa, c'est ici. Et il a indiqué son cœur trois fois التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. Et il a dit, il suffit comme mauvaise action ou comme mal pour un musulman qu'il méprise son frère. C'est-à-dire, c'est suffisant pour lui comme mal qu'il ait du mépris pour son frère. Et donc, on n'a pas le droit de mépriser un autre musulman, peu importe son ethnie, peu importe son origine, peu importe sa couleur, peu importe sa forme. Et donc ça c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit se souvenir. Il suffit comme mal de la part d'un musulman qu'il méprise son frère musulman. Chaque musulman est sacré pour un autre musulman. Chaque partie du musulman est sacrée pour un autre musulman. Et c'est pas seulement sa personne, c'est son sang, ses biens et son honneur. Le sang du musulman est sacré pour un autre musulman. Donc il doit préserver sa vie. Et les biens du musulman sont sacrés pour un autre musulman. Il doit préserver ses biens. Et également l'honneur du musulman est sacré pour un autre musulman. Et donc il doit préserver son honneur. Et donc dans ce hadith, on retrouve ce qui rassemble les règles de la fraternité dans l'islam et tout ce qui est impliqué par la foi dans l'islam et les droits et les obligations de la fraternité. عباد الله وعندما يخل العبد بشيء مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره من أحاديثه الشريفة مما يتعلق بالأخوة ومقتضياتها ينقص من إيمانه ويضعف من دينه بحسب ما أخل به من حقوق للأخوة. Et donc serviteur d'Allah, chaque fois qu'un croyant, chaque fois qu'un serviteur d'Allah manque à un des aspects qui a été mentionné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'on a mentionné ou dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rapport avec la fraternité et avec les implications de cette fraternité, eh bien sa foi diminue par rapport à la contradiction qu'il a fait ou la chose qui vient en contradiction avec les droits de la fraternité. Et donc sa religion s'affaiblit et diminue selon ce qu'il a brisé comme respect des droits de la fraternité de son frère. عباد الله ومن جوامع ما جاء في هذا الباب من نظير ما جاء في السنة آيات مباركات في سورة الحجرات فيها التنويه بالأخوة الإيمانية ومكانتها وفي ذكر لشيء من حقوقها وواجباتها. يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. سبحان الله également. Parmi les choses qui réunissent les droits de la fraternité dans l'islam, également, et par rapport à également qu'est-ce qui est semblable à qu'est-ce qui est dans la sunna à ce sujet, il y a des versets bénis dans le Coran, dans Surat al-Hujurat, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle de la fraternité basée sur la foi et de son importance et certains de ses droits et de ses obligations. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, les croyants ne sont que des frères. Alors faites la réconciliation entre vos frères et craignez Allah pour que vous puissiez avoir la miséricorde. Ô vous qui avez cru qu'un groupe d'entre vous ne se moque pas d'un autre groupe. Il se peut qu'il soit meilleur qu'eux. Ceux qui se moquent d'un autre groupe, peut-être que le groupe dont vous vous moquez est meilleur que vous. Et que des femmes ne se moquent pas d'un autre groupe de femmes. Peut-être que ces femmes dont on se moque sont meilleures qu'elles. Et ne vous lancez pas des sobriquets. Et ne vous donnez pas des surnoms, des mauvais surnoms les uns les autres. comme est mauvais le nom de la perversité après avoir eu la foi. Et celui qui ne se repent pas, alors ceux-là sont les injustes. Ô vous qui avez cru, écartez-vous de beaucoup de suspicions, des mauvaises suspicions envers les uns les autres. Parce que certaines suspicions sont péchées. Et ne vous espionnez pas les uns les autres. Et ne mangez pas la chair l'un des autres. C'est-à-dire, ne parlez pas les uns dans le dos des autres. Ne parlez pas de votre frère en son absence en mal pour le critiquer lorsqu'il n'est pas présent. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère alors qu'il est mort? Vous le détesteriez. Alors, dans ce cas, craignez Allah, car Allah est certes pardonneur. Il accepte la repentance et il est miséricordieux. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Karim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur al-rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله إن من جميل شأن الأخوة الإيمانية ما يكون بين أهل الإيمان في دعوات عظيمة بظهر الغيب تجمعهم جميعا فيها سؤال الله غفران الذنب والعتق من النار والفوز برضا الله عز وجل قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ودعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجابة ولهذا ينبغي على المسلم أن يجعل لإخوانه المسلمين حظا ونصيبا من دعواته بأن يغفر ذنوبهم وأن يهدى ضالهم ويجبر كسيرهم وأن يكون لمستضعفهم عونا ونصيرا وحافظا ومؤيدا وأن يخذل عدوهم وأن يجعل عليه دائرة السوء. فهذا عباد الله مطلب عظيم ومقصد جليل وهو من مقتضيات الأخوة وموجباتها. والمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Serviteur d'Allah, et pour terminer cette khutbah, il est bien pour le croyant, par rapport au lien de la fraternité qu'il l'unit avec ses frères, de faire des invocations pour lui lorsqu'ils sont absents. En leur absence, il fait des invocations pour eux. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner leurs péchés et de les sauver de l'enfer et de leur donner le succès de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce qui signifie et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les sahaba, ils disent « Ô notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi ». Et également Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète ce qui signifie « Sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et demande pardon pour ton péché et pour tes frères et pour les croyants et les croyantes. » Donc d'invoquer pour ton frère lorsqu'il est absent, Allah subhanahu wa ta'ala exauce ton invocation. Et donc le croyant il doit faire des invocations pour ses frères. Et demander à Allah de leur pardonner, de les guider s'ils sont égarés, et d'aider ceux d'entre eux qui sont opprimés ou qui sont faibles, de les préserver, de les défendre, et de donner la défaite à ses ennemis, et de faire retourner le mal contre ses ennemis. Serviteur d'Allah, donc ça c'est quelque chose qui est très important pour le musulman. Et donc, alhamdoulilah, on voit dans cette mosquée un exemple de ça. Des gens de toutes couleurs, de toutes origines différentes, qui sont réunis tous ensemble pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qui nous réunit dans cette pièce aujourd'hui? Autre que notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, autre que notre amour pour l'islam, notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, notre amour pour le tawhid, notre amour pour la sunnah.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Deux courts messages. Le premier message, c'est qu'il y a sur la table en sortant, il y a des livres en anglais. Et ce sont des livres qui sont pour distribuer gratuitement. C'est pour la défense de l'islam et en même temps pour réfuter les gens qui pratiquent ou qui font des actes de terrorisme au nom de l'islam. Donc c'est une réfutation de la voix des Khawarij et une défense de la religion de l'islam et de la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous pouvez prendre une copie. Et vous pouvez aussi en donner à des gens que vous connaissez. C'est en anglais par contre. Et il y a aussi un autre message qui est important, c'est que on a renouvelé le bail de la location pour l'année prochaine. Et le loyer va être maintenant de 2 000 $ par mois au lieu de 1 800. Donc on a calculé que si 30 personnes donnaient 18 $ par semaine, ça couvre le loyer. Sinon, si 40 personnes donnent 12 $50, ça règle aussi le loyer. Donc, essayez de voir si vous êtes prêt à faire cette dépense. Et puis, cette sadaqa, et ça, c'est bien entendu quelque chose qui sera récompensé pour vous au jour de la résurrection. Donc, pour l'instant, bon, chacun peut faire individuellement son don, mais si vous voulez écrire votre nom sur une feuille, puis votre numéro de téléphone aussi, comme ça, chaque semaine, on pourrait noter qui a donné, qui n'a pas donné. Si ce n'est pas cette semaine qu'on le fait, la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, je vous remercie, Inch'Allah, de votre support. On a mis un petit mot là, au bord de la porte. بارك الله فيكم.